Soyez certains que la misère on l'a côtoyée, et qu'on est de ceux que la police aime tutoyer. Y'a pas de doute, on vient des blocs, on a passé notre adolescence sans une dune en poche. Si je sens de la mélancolie dans nos écrits, c'est qu'on est de ceux que la vie en Tessie a meurtri. On ne rit plus comme avant, on n'aime plus comme avant. Nos potes sont morts, comment veux-tu que ce soit comme avant? Nos potes sont partis, ou emprisonnés. J'aimerais convaincre mon futur d'ignorer mon passé. Amour incarcéré, ma confiance consume. Mon cœur est scellé, les déceptions je consomme. La vie nous transmet des messages en langage souvent obscur. Dans les moments d'indécision, je conserve mon African armure. Laisse-moi avoir une pensée pour mes frères du 2000 Inzu. Avec nous, on va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre jusqu'au bout. Si rien j'ai le mal de vivre, le mal d'aimer, tu le sais. Car toi aussi la vie t'a mal mené. T'as tant de cœur mon frère, de gentillesse et de mérite. Que la cruauté des autres met ton équilibre en péril. J'ai un rythme que ma femme et ma fille ne supportent plus. 13 ans de hip-hop, mes nuits blanches je ne les compte même. J'ai tant donné au rap, il m'a rien rendu mais je me tape. Déçu je collectionne les espoirs, déchu mais je m'attaque. Pour écouter notre musique, freiner nos carrières. Tant qu'on n'oubliera pas que la vraie réussite est ailleurs. Ils nous auront pas, on tiendra le coup. Jusqu'au dernier souffle, on va se battre. Jusqu'au bout. On va s'accrocher, même faucher, fâcher. Fâcher, fâcher. Parce qu'ils essayent de nous faucher. Sachez, on n'a pas peur des coups. Gauche, droite, crochet. On va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre. Avec du cran, de l'audace, de l'honnêteté, de la réflexion, sous la pression, de la loyauté. On va pas céder, sans trop tuer pour posséder. Au contraire, on va céder. Et si Dieu le veut, on restera soudés. On va se battre. Normal, on est 9-4. Mais international, ils peuvent nous blesser, nous ruer de coups. Chanter avec nous, on va se battre jusqu'au bout. On va pas foncer dans le mur comme ils voudraient qu'on le fasse. Ne jamais perdre la face, gardez-la. Ghetto super classe. On va surmonter les obstacles, quitte à déraciner des arbres, quitte à désarmer des hommes. On compte bien sauver des âmes. Me mettre la pression jusqu'à m'épuiser, me juger. J'en mets de côté leurs préjugés. Mais j'ai la rage de vaincre, la rage de vivre. Et vous voulez-vous vous battre jusqu'au bout? Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber. La victoire sera pour nous. On va se battre jusqu'au bout. Si rien peut nous faire tomber, on refuse de succomber.